un pas en avant, les deux suivants en arrière. C'est le triste chemin que je fais tous les jours depuis que t'es parti, mon amour. Sans même laisser un mot sur un coin de feuille déchirée où tu aurais pris soin de noter que tu t'étais juste absenté. Alors moi comme un con, planté au milieu du salon, j'attends en vain. C'est quand que tu reviens? Je t'appelle, mais c'est la voix du répondeur qui me dit que tu n'es plus là, que tu me rappelleras. Alors j'attends des heures durant une mélodie, une vibration pour entendre juste quelques secondes cette douce respiration. Mais rien n'y fait, tout est néant et la pièce baigne dans le silence. Les secondes peinent à s'écouler, c'est agaçant. Alors moi comme un con, planté au milieu du salon, j'attends en vain. C'est quand que tu reviens? Lorsque je rentre le soir, je m'imagine te retrouver, poser ma tête contre toi. Mais mes désirs trop volatiles, c'est ma portance au mois d'avril. Et ce n'est qu'un espace aride qui s'étale sous mon regard vide. J'appelle, je crie dans la maison en espérant une réponse. Mais rien ne vient, plus rien ne va, tu n'es plus là. Alors moi comme un con, planté au milieu du salon, j'attends en vain. C'est quand que tu reviens? En novembre, 8 mois ont passé. Dehors, un temps d'orage, prends les branches des arbres en otage. Tu ne reviendras plus, désormais je le sais. Tu as pris congé de la terre, de nos baisers, de nos colères. Mais promis, je ne pleurerai pas, ou discrètement de temps en temps. Je ne voudrais pas que tu me vois, ce sont des choses qu'on ne montre pas. Et puis là-haut, le ciel est bleu, paraît que jamais il ne pleut, tant mieux. Je vais déjà mieux.